come. You're listening to Cartel Records. Des bombes qu'à charbonner. Ramène-moi ma monnaie. À deux doigts des plombés. Il me faut ma console. T'inquiète, j'vais les coincer. Laissez faire les costauds. Moi j'ai les couilles, j'ai les crocs. J'crois qu'ils costent. J'viens du bloc du béton. Tu seras où quand j'vais béton? N'écoute pas tous ces PD. C'est pas eux qui t'ont aidé. C'est moi qui t'ai aidé. Eux ils étaient pas là. On te raconte des salades. Nanani nanana. Allez arrête tes manières. T'es comme mais t'en as pas l'air. Tu connais ma bannière. C'est moi qui fais les salaires. Personne ne m'a aidé. À part d'autres potos. Envie de faire le PD. Le dessus de tes corps. Ton fun est sur écoute. Tu dois monter sur un coup. Tu sais plus à qui te fier. Ta pute te fait pas kiffer. iPhone est sur écoute. Tu dois monter sur un coup. Tu sais plus à qui te fier. Tu sais plus à qui te fier. Charbonné. Charbonné. Moi je suis bon qu'à les charbonner. Charbonné, j'ai de bon qu'à les charbonner. Faut qu'on pense à se faire pardonner. Moi j'suis bon qu'à les charbonner. Charbonné, charbonné. Toi t'es bon qu'à les charbonner. On t'a pété un câble. J'suis négro sur la bécane. J'suis comme un confrère de Beckham. J'arrive toujours impeccable. Mais c'est quoi ce paquet? Et c'est fait remarquer. Elle m'a pris pour Marco. Mon cartel est au taquet. Mais c'est donc empaillé. Ils sont bons qu'à être soudoyés. Je les pèse et leur pèse. Voici ma lettre de noblesse. Pourquoi tu l'as coupée? Je préfère les fidéliser. Petit attache tes lacets. Oui, ils t'ont mis les bracelets. N'oublie pas ce qui s'est passé. Faut que tu penses à brasser. J'aime pas débarrasser. Parasite débarrassé. Des bras y'en a assez. Des bouches j'en ai cassé. Mon poteau t'a maigri. Depuis la dernière veillée. Ton phone est sur écoute. Tu t'es monté sur un coup. Tu sais plus à qui te fier. Ta pute te fait pas kiffer. L'iPhone est sur écoute. Tu t'es monté sur un coup. Tu sais plus à qui te fier. Tu sais plus à qui te fier. Charbonné. Charbonné. Moi j'suis bon qu'à les charbonner. Charbonné. Charbonné. Moi j'suis bon qu'à les charbonner. J'ai été bon qu'à les charbonner. Faut qu'on pense à se faire pardonner. Moi j'suis bon qu'à les charbonner. Charbonné. Charbonné. Toi t'es bon qu'à les charbonner. You're listening to Cartel Records.